Now listen and repeat the French for these numbers. Maintenant, écoutez et répétez le français pour ces numéros. 37. 37. 35. 35. 22. 22. 39. 39. 26. 26. 28. 28. The same method also works with 40. 40. Par exemple, 46. 46. Écoutez encore et répétez. 46.